Chapitre 22e. Le château figurait assez bien, par son état inculte et sauvage, l'état moral de Mademoiselle de B, avant que Georges y eût ouvert des avenues pour y faire pénétrer le jour. Il était noir, obstrué, froid. En peu de temps, un jardin, une maison, prennent le caractère de leur maître. Le parc, surtout, était depuis 8 ans tombé en une vieille enfance. Les arbres s'abandonnaient et penchaient de côté, comme la taille de Pulcherie avant d'avoir été relevée par Georges. Les feuillages s'emmêlaient les uns dans les autres. Des herbes envenimées, drues, peuplées de couleuvres, étouffaient les jeunes arbrisseaux, semblables aux réseaux nerveux qui empêchaient dans la tête de Mademoiselle de B la pensée de croître. On nettoya les avenues, on tailla les arbres, on redressa les troncs déviés. Ce fut, pour le parc et pour toute la maison, comme pour la jeune châtelaine, une nouvelle vie. La joie, le mouvement, le bruit, les fêtes, les parties de chasse étaient depuis quelque temps de retour. On entendait le piétinement des chevaux. Les chiens secouaient dans les cours avec de joyeux aboiements, leurs têtes naguère ennuyées et mornes. Les domestiques eux-mêmes changèrent la livrée de leur figure. Un travail pareil se fit dans la cour d'entrée que les poules, les pigeons et une rouille de mousse avaient envahi en l'absence des maîtres. Le jardin, qui avait dévoré le sable de ses allées sous une crue de mauvaises herbes et dont les arbres oubliaient depuis longtemps de donner des fruits, reprit son élégance et sa fécondité. Jusque-là, l'hiver et l'été se ressemblaient presque au château, tant ils y étaient tous les deux froids, uniformes et tristes. Mais cette année, il semblait que le printemps revint après un hiver qui aurait duré 8 ans. On s'apercevait pour la première fois des hirondelles, des fleurs, des fruits, des feuilles, du jour, de la nature. C'est que pour toute la maison, l'astre conducteur de cet été n'était pas seulement le soleil. Le même mouvement se communiqua à l'hôtel de B dans le faubourg Saint-Germain. Un bruit de tenailles et de marteaux annonça aux voisins des travaux intérieurs qui avaient pour but le retour des maîtres à Paris. On renouvela les tentures, on brossa dans la cour les roues des voitures couvertes de poussière. On fit gratter les murs extérieurs de l'hôtel. Le vieil intendant, Caleb de la maison, semblait avoir rajeuni au milieu de ces préparatifs qui annonçaient à tout le monde que les beaux temps de la famille de B allaient renaître. On resta néanmoins tout l'automne à la campagne. Pendant quelques semaines, rien ne troubla au château le bonheur calme et intérieur de cette renaissance. Le père de Pulcherie traitait Georges avec honneur. Il le présentait à ses amis des environs, qui revenaient depuis quelque temps au château, comme un homme extraordinaire dont on avait le droit d'attendre des miracles. À table, il lui donnait la droite à côté de sa fille. Si le vin eût été manqué, il eût proposé volontiers à Georges d'en faire avec de l'eau. Mais la cave de M. de B était trop bien fournie pour cela, et les convives de Cana eux-mêmes n'auraient pas réussi à la tarir. Le lien magnétique qui unissait Georges à Pulcherie était toujours le même. En se rencontrant, les deux amants s'étaient en quelque sorte complétés l'un par l'autre. Mademoiselle de B avait trouvé un esprit dans Fritz, et Fritz, pour ainsi dire, un corps dans Pulcherie. Cette beauté positive et réelle avait tiré le jeune rêveur de ses mélancoliques aspirations dans le vide pour le ramener à la vie du dehors et au mouvement de ce monde. Il s'était donc rendu, dans ce rapprochement l'un de l'autre, des services mutuels qui les rendaient heureux. Georges s'admirait dans Pulcherie, il éprouvait à sa vue ce sentiment d'orgueil et de satisfaction qu'éprouve Dieu même lorsqu'au 7e jour il vit que tout était bien et se reposa.